Document 2, page 88. Rémi, vous avez fini l'article sur le festival de danse à Lille ? Non, monsieur Rigon. Je dois encore rencontrer une troupe de danseurs. Mais vous deviez le finir hier, non ? Ben oui, mais j'avais rendez-vous avec le directeur de la troupe il y a 15 jours, mais je n'ai pas pu y aller. Et pourquoi ? Ben, ce jour-là, ma voiture était au garage. J'avais eu un accident la veille et la voiture était en panne. Et vous n'avez pas pu trouver une autre voiture ? Non. 3 jours avant, ma femme était partie en vacances, avec sa voiture. Pour un journaliste, vous n'êtes pas très dégourdi, Rémi. Alors, ce rendez-vous ? J'ai téléphoné pour le déplacer. Mais le lendemain, le directeur devait partir à Bordeaux pour 3 jours. Alors... Alors quoi ? Vous l'avez rencontré, oui ou non ? Oui, il m'a fixé un autre rendez-vous une semaine après. Alors bien sûr, maintenant, je suis en retard. Dépêchez-vous, mon petit. Cet article doit paraître dans le prochain numéro. On ne peut pas changer le sommaire du magazine. Je suis désolé. Si vous voulez garder votre travail, l'article doit être prêt demain à 6 heures. C'est clair ?